Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 2, Gaumet du Pré 1861. Question 36. Des causes de la tristesse ou de la douleur. Quatre causes de la douleur, la présence du mal, la concupiscence, l'amour de l'unité, la force majeure. 1. La douleur a-t-elle pour cause la perte d'un bien plutôt qu'un mal présent? Il est certain que le mal éprouvé présentement produit plus efficacement la douleur que le bien qu'on a perdu. De même que la joie résulte principalement du bien que l'on possède, ainsi la douleur, qui est son contraire, provient principalement du mal que l'on éprouve. Note. La tristesse, comme toutes les autres affections de l'âme, prend sa première source dans l'amour, qui a le bien pour objet, mais il ne s'ensuit pas qu'elle se rapporte plus à la perte du bien qu'au mal survenu. Elle n'a pas nécessairement le même terme que sa cause première. Fin de la note. 2. La concupiscence est-elle une cause de la tristesse? Considérée en elle-même, la concupiscence ou le désir est une cause de douleur, car nous nous attristons du retard ou de la perte du bien que nous désirons, mais elle n'en est pas la cause universelle. Nous versons plus de larmes sur la perte d'un bien présent qui nous convient, que sur la perte d'un bien futur dont nous avons le désir. 3. L'amour de notre unité est-il une cause de la douleur? Saint Augustin répond, la douleur que les animaux éprouvent les porte à des mouvements qui montrent assez combien ils tiennent à l'unité de leur corps, car qu'est-ce que la douleur, sinon ce sentiment qui repousse la division ou la corruption? Le bien des êtres consistant dans une certaine intégrité qui constitue leur perfection, chacun d'eux veut naturellement son unité individuelle comme il veut son bien. L'amour de notre unité personnelle est une cause de douleur au même titre que l'amour ou la recherche du bien. 4. La force à laquelle on ne saurait résister est-elle une cause de la douleur? Ce qui produit la douleur dans l'âme, dit encore saint Augustin, c'est la résistance de la volonté à une puissance supérieure, et ce qui la produit dans le corps, c'est la résistance des sens à un objet plus énergique. Cela signifie que la force supérieure à laquelle on ne peut résister est une cause de douleur, quand elle agit contre l'inclination de la volonté. Il est remarquable, néanmoins, que si la puissance supérieure est assez forte pour anéantir ou transformer en son inclination propre celle de notre volonté et de notre corps, il n'y a plus alors de tristesse, faute de répugnance dans la volonté. La volonté qui cède spontanément éprouve la joie et non la douleur. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR. Licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.